renseignez-vous à sepsum.umontréal.ca. Ça te dit d'animer à CISM? Eh bien, c'est le temps de déposer ton projet d'émission. Jusqu'au 11 avril, nous recueillons les candidatures pour la saison d'été 2014. Pas étudiant à l'Université de Montréal? Pas de problème, tout le monde peut animer à CISM. Pour plus de détails, visite notre site internet au cism893.ca. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir tout le monde, bonsoir, je m'appelle Jean-François Lusignan, vous écoutez l'émission Le Terminus, édition du lundi 24 mars. Le Terminus, c'est une émission qui se consacre à l'indie rock et tout ce qui gravite autour, rock alternatif, shoegaze, grunge, etc. Ce soir, dans les noms qui vont tourner dans la prochaine heure, j'ai devant moi, il va y avoir du UV Race, les Trompe-l'œil, du Vietcong, Each Other et plein d'autres choses. On va commencer avec trois nouveautés. Il y aura dans les prochaines minutes du nouveau Oller, également du nouveau Silver Dapple, groupe local qui sort une cassette, mini-album cassette dans les prochaines semaines. Mais pour tout de suite, on commence avec Black Twig, qui est un groupe indie rock d'Helsinki, en Finlande. Il sortait un nouvel album en février dernier, qui s'appelle Heliogram, mais qui n'est pas disponible ici. Alors c'est un peu fatigant, je vous en fais jouer quand même un extrait, qui s'appelle Pastel Blue. Black Twig, c'est ce qu'on écoute à l'instant sur les ondes de CISM. We'll be right back. Bowler avec la chanson Louise qui se retrouve sur l'album World of Joy qui sort demain sur le label anglais Rough Trade. Et avant Bowler, on entendait Silver Dapple, groupe local qui lance eux demain un mini-album, pas demain non, le 5 avril. Un mini-album qui s'appelle I Hate My Birthday, et c'est la chanson qu'on a entendue, chanson-titre I Hate My Birthday. Et donc, spectacle lancement aux Drones le 5 avril, je le disais, pour ce mini-album-là, qui sera disponible également en format cassette. La formation Il danse avec les genoux va justement assurer la première partie de ce spectacle-là. Et le Drones, là, si vous n'êtes pas familier, je pense que ça existe depuis peut-être un ou deux ans, ça occupe le même local que l'ancien Jackie and Judy, qui n'aura pas existé super longtemps, au coin de l'avenue du Parc et Beaubien. Alors voilà, vous êtes renseignés. On va poursuivre avec un band de Calgary, cette fois-ci, s'appelle Viet Cong. Ils font dans le post-punk, ils sont composés d'anciens membres en partie de Woman. Ils travaillent actuellement sur un premier album avec Graham Walsh de la formation Holy Fuck. Et d'ici à la sortie de cet album-là, le groupe s'est amusé à nous offrir sur SoundCloud il y a quelques jours une première chanson qui s'appelle Bunker Buster, mais dans une version dont on nous avertit qu'elle n'est pas terminée. Donc on appelle ça un rough mix. Donc on écoute ça à l'instant. Viet Cong, Bunker Buster sur les ondes de CSM à l'émission Le Terminus. You're listening to Ennui. Reblog us. Blog us on Tumblr. Thank you. C'était un gars d'Edmonton, Travis Bredzer, et la chanson Trying to Learn. Ça se retrouvait sur cette chanson-là sur Making Love EP, un mini-album sorti l'année dernière et disponible sur le Travis Bredzer avec un Z.bandcamp.com. Juste avant, on entendait du ennui. C'est la façon qu'il faut le prononcer, mais ça s'écrit comme on et oui en anglais. Donc ennui. Et la chanson Unpaid Internship, donc des stages non rémunérés. Attention, l'été s'en vient, les stages non rémunérés également. Et Ennui, c'est le projet de David Wells, qui est à la base un mannequin de Brooklyn, mais il a décidé de tout abandonner et de se consacrer à la musique. Donc cette année, il a complètement changé de carrière. Et il nous a sorti en début d'année deux premières chansons indie pop, là, comme on l'a entendu, assez dansantes. C'était donc Unpaid Internship de Ennui. C'est disponible également sur Bandcamp. On va continuer avec maintenant du Drenge, un groupe anglais qui a clairement pas encore absorbé toutes ses influences. On entend par moments du Black Keys, Arctic Monkeys, mais sur la chanson qu'on va entendre qui s'appelle Fuck About, il y a beaucoup de passages de la chanson California de Phantom Planet, mais c'est pas grave, c'est quand même bon. On écoute Drenge, Fuck About sur le CISM 89.3, l'émission Le Terminus. This song is a fuck about. Not one to write home about. And I guess if you're in any doubt that I'm a fuck about, well then I'll hear you out. And I live in a paradise. It's not home, but I guess it's all right. And you live on the second floor, sleep in the corridor. What are you living for? When words get stuck in your throat, and all you wanna do is choke on the lies that you've been. When you are down in the dumps and you're kicking at the walls, 'cause you don't know what you said. When I put the kettle on, you put heavy metal on. I won't say a word until I go, and then you say, well, what do I know anyway? And I waste every single day staring into the middle space. And you know that I'm a fuck about. What can we talk about anyhow? When words get stuck in your throat, and all you wanna do is choke on the lies that you've been fed. We'll be right back. give a fuck about people in love. They don't piss me off, they just make me give up. Jusqu'à 20h, vous écoutez l'émission Le Terminus. Jean-François Lusignan avec vous au micro pour vous présenter ce qu'on entend et ce qu'on vient d'entendre. C'était la formation Nude Art avec la chanson Pelly Shit. Ça se retrouve sur un album qu'il faisait paraître en février dernier. Et avant ça, on avait entendu encore des gros mots. C'était Fuck About du groupe Drenge, qui sont d'Adélaïde en Australie. Et c'est tout ça? Non, je me trompe de groupe. C'est un groupe anglais, en fait, Drenge. C'est ce qu'on a entendu juste avant. On va plutôt entendre maintenant, c'est vrai, un groupe d'Adélaïde en Australie. Il s'appelle Bat Rider. C'est leur nom. Et ils faisaient apparaître leur quatrième album en 2011, qui s'appelle Piles of Lies. Depuis ce temps-là, on n'a pas vraiment eu de nouvelles de leur part. On va entendre la chanson titre de cet album-là, Piles of Lies, de Bat Rider. Et ça sera suivi d'une chanson des Blue Jeans qui est extraite d'une compilation de l'étiquette méga fiable qui sortait en 2008, chanson qui s'appelle Mon cœur. Tout ça, on écoute ça sur les ondes du 89.3 CISM. Yeah. quatre filles de Chicago qui rockent pas mal. Elles s'appellent Split Feet, la chanson It Broke Once. Un titre qui se retrouve sur leur démo qu'ils ont sorti l'automne dernier sur le splitfeet.bandcamp.com. Les filles sont actuellement en tournée avec Perfect Posse qui est sur le palmarès de CSM depuis cette semaine. C'est drôle, tout à l'heure, Mathieu Miro à son émission de palmarès, il fait sa tournée du Perfect Posse, il dit « Ah ben oui, ça rock ça. » Ben oui, ça rock, Perfect Posse. Et pour revenir à Split Feet, ben ils ont un album qui s'en vient très bientôt. Le groupe sur la page Facebook dévoilait cette semaine justement la pochette de cet album-là qui s'en vient. Sinon, juste avant, c'était les Blue Jeans avec Mon Cœur qui se retrouve sur la compilation Méga Fiable Volume 1 qui paraissait en 2008. Et Méga Fiable, il paraît se passer beaucoup de choses avec ce label-là. En fait, ils organisent toujours à chaque année leur Noël Méga Fiable qui avait lieu cette année à Rouyn-Noranda. Mais sinon, côté parution, ils sont pas mal tranquilles. Sinon, vous pouvez toujours les suivre sur leur page Facebook pour voir ce qui se passe. Et on va continuer avec quelque chose en français. C'est les Trompe-l'œil, ancien groupe groupe d'Alex Champigny, qui n'a pas donné tellement de nouvelles depuis la sortie de son premier album sous son propre nom, Alexandre Champigny, qui c'était en 2007 ça. Et sur son premier album, il y avait d'ailleurs des reprises de son ancien groupe, dont la chanson qu'on va entendre, Buddha Cinero, qui se retrouve autant sous son nom, les Trompe-l'œil, que son nom Alexandre Champigny. Dans tous les cas, on va démêler ça en attendant la chanson. Et je vous l'ai fait jouer et ça se trouve également sur la compilation de CISM qu'elle avait sorti CISM pour ses 15 ans en 2006. Dans tous les cas, on écoute ça à l'instant. Buddha Cinerol, les Trompe-l'œil sur les ondes de CISM. We'll be right back. Fini, c'était Each Other avec Send Your Signals. Leur album Being Elastic se trouve cette semaine sur la 23e position du palmarès album de la station. Restez à l'écoute dans quelques instants. Roman Blouin sera avec vous pour son émission Nous sommes les rockers. Si vous voulez retrouver la liste des chansons que tournaient pendant la dernière heure, ça va se retrouver dans quelques instants sur le CISM893.ca. Sinon, il y a les archives de l'émission sur leterminus.ca. Allez-y. On va se quitter avec la musique de UV Race, la chanson Homo, tirée de l'album Homo, sorti en 2011. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle lundi prochain, 19h, pour Le Terminus. Ciao.